بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله ومرسي الله سبحانه وتعالى qui nous permet de se réunir à nouveau en cette soirée afin d'étudier sa religion. Le sujet de ce soir, c'est ce qu'on appelle en arabe ulama al-sultan, les savants du sultan, les savants du gouverneur, ou bien ulama al-salatin, les savants des gouverneurs au pluriel. On entend aussi l'expression ulama al-qusur, les savants des palais, et d'autres les appellent aussi ulama al-su, les savants du mal. Ce sujet, il est d'une extrême importance, notamment dans notre époque, même si de toute époque les salafs ont pris soin donc de nous rapporter des paroles à ce sujet. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a cité donc des paroles à ce sujet-là que l'on va voir. Pourquoi est-ce que ce sujet il est d'importance? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam dit al-ulama'u warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Et les prophètes, donc ils n'ont pas laissé en héritage ni dinar, pièce d'or, et ni dirham, pièce d'argent. Walakin warathul ilm. Mais ils ont plutôt laissé en héritage donc la science. Donc al-alim, le savant, c'est celui qui guide la communauté au haq. C'est celui qui est censé montrer aux gens ce que les prophètes alayhi salatu wassalam ont laissé en héritage. Donc ils sont porteurs d'un dépôt. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris donc comme contrat avec les gens qui ont reçu le livre de le montrer aux gens et de ne pas le cacher. Il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Imran: Wa idha khadha Allahu mithaq alladhina utul kitab latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prit donc le contrat auprès des gens qui ont reçu le livre de le montrer aux gens et de ne pas le cacher. Et les gens, ça c'est la fitra, c'est la saine nature. Les gens, c'est naturel, ils font confiance aux savants. Car le savant, il a étudié le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et il a vu les trois domaines que l'on connaît cités dans le hadith de Jibril. Il a vu ce qui est en rapport avec l'islam, donc le fiqh, ce qui est en rapport avec l'iman, la aqidah, et surtout, il a aussi vu ce qui est en rapport avec l'ihsan, la tazkiyah. Donc il est souvent difficile d'accepter auprès du commun des musulmans qu'un savant ayant étudié le Coran et la Sunna, qu'il puisse trahir le message, qu'il puisse dire des bêtises au sujet du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il puisse connaître la vérité et se permettre d'aller à l'encontre de cette dernière. Et donc les paroles que l'on va lire et notre sujet, il porte sur le lien entre les savants et les gouverneurs. Le lien entre les savants et les gouverneurs, et notamment, on va mettre le doigt sur une catégorie de savants, c'est ceux qui travaillent l'intérêt des gouverneurs. Ce qu'on appelle ulama ou as-salatin. Et le gouverneur, ça c'est quelque chose qui est logique. Le musulman accepte cela et même le mécréant accepte ce discours-là. C'est que il va prendre comme personne à ses côtés, donc dans sa cour, il va prendre des gens qui travaillent ses intérêts. Ça c'est logique. Donc le savant qui le gouverneur qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut appliquer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire de manière générale la sharia dans son pays, et qui veut que le tawhid prédomine et que le shirk disparaisse, que la sunna soit dominante et que la bid'a soit humiliée, rabaissée, il est logique qu'il va rapprocher donc de sa propre personne des gens qui vont l'aider dans cet objectif noble. Et si en revanche ce gouverneur est pervers, voire même mécréant ou bien apostat, il va donc aussi rapprocher des gens qui vont l'aider dans ses intérêts-là, lui permettre de faire sa perversité. Et ça, on l'a depuis le début de l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le cas. Le prophète alayhi salatu wassalam avait à ses côtés des gens qui l'ont aidé à propager son message, à mettre en application la justice de la sharia, à élever le tawhid, à rabaisser le shirk, à honorer la sunna et humilier la bid'a. Et ainsi que les califes Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar, Uthman et Ali, jusqu'à ce qu'apparurent les premières déviations. Lorsque les déviations apparurent, Alors les sultans ont compris qu'il fallait rapprocher des gens qui leur permettraient donc de justifier, de valider, de cautionner auprès donc de la population leurs faits zaydir. Ce que les savants, ce que les gouverneurs ont fait. C'est pour cela que l'on trouve que les savants de la sunna, lorsque les gouverneurs ont commencé à dévier, les salaf rahimahumullah ont commencé à parler justement de cette mise en garde contre le fait d'aller vers les gouverneurs. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on va le voir, déjà à son époque, alors qu'il n'y avait pas encore de gouverneur déviant, mettait en garde contre le fait donc de s'approcher des portes des gouverneurs. Car même s'il est musulman, la largesse souvent qu'il a, dont il est privilégié, lui fait faire, si ce n'est pas des péchés, mais du moins il dépasse, donc en réalité il entre dans le péché, dans l'israf, dans le gaspillage, et il entre dans des largesses qui ne sont pas dignes du musulman. Et le savant, lorsqu'il va voir ces largesses-là, comme on va le voir dans les paroles, les savants, rahimahumullah, les savants, lorsqu'ils vont voir ces largesses-là, ils vont être touchés. Et ils vont aspirer, ils vont espérer à ce que le gouverneur donc, lui fasse preuve aussi, lui donne des privilèges par l'argent ou autre. Et c'est ce qui va les amener à dévier et ensuite émettre des fatwas, des avis juridiques, et à dire des choses qui ne sont pas en accord avec le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce que ce sujet il avait une importance particulière en cette époque? C'est parce que cette technique qui consiste à approcher des gens qui déforment les réalités afin de tromper les populations, elle est encore plus aujourd'hui présente que dans le passé. Et aujourd'hui, sûrement, l'un des plus grands points qu'ont marqué les mécréants et les hypocrites en cette époque, c'est qu'ils ont réussi à faire croire que la proximité du gouverneur, la proximité du savant auprès du gouverneur, fait partie du minhaj des salafs, rahimahumullah. Et ça, ils l'ont entré dans la tête de la plupart des jeunes aujourd'hui se déclarant salafi et se disant sur le minhaj salafi, ce qui est vraiment un point très fort qu'ont marqué les mécréants et les hypocrites. Et ça, c'est dû au fait justement que certains savants, se disant du minhaj salafi, etc., se sont rapprochés de gouverneurs dont il n'y a aucun, au sujet desquels il n'y a aucun doute de leur perversité, et voire même de leur mécréance. Et aujourd'hui, on voit bien que la majorité, si ce n'est tout, les gouverneurs marchent selon donc ce qui est édicté par l'ONU, par la Maison Blanche, etc. Donc, il est certain que ces gouverneurs ne sortent pas de la marche mondialiste imposée aujourd'hui, et que les valeurs aujourd'hui qui mènent la danse, entre guillemets, vous comprenez mon expression, de la politique mondiale sont les valeurs des mécréants, et les musulmans véritables n'ont strictement aucun poids. Donc, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les savants qui sont rapprochés des gouverneurs, soit ils gardent le silence, et c'est déjà un mal, s'ils le gardent tous de A à Z, ça c'est un mal, car ça trompe les gens, et les gens croient alors qu'il n'y a pas de problème dans la politique de ce gouverneur-là. Mais le pire, c'est quand ils cautionnent et qu'ils aident et qu'ils déforment les ahkam sharia, les statuts juridiques, afin de pouvoir cautionner ce que fait ce gouverneur pervers, voire apostat, dans certains cas. Donc, le sujet il est extrêmement important, car la plupart des jeunes sont aujourd'hui trompés. Et lorsque on leur cite des paroles des salafs, ou bien qu'on critique aujourd'hui certains actes ou dires politiques mis en place, il te dit, oui, mais regarde, nous, on doit suivre les kibar. Ça, c'est la parole magique du musulman francophone de base, souvent. Le salafi de base te dit, nous, on suit les kibar. Ça, c'est son joker dans chaque débat. Qu'est-ce qu'un kabir, un grand? Les kibar, c'est le pluriel de kabir, c'est-à-dire, il dit, on suit les grands savants. Le cerveau de certains frères n'arrive pas à faire la dissociation entre le niveau de science et le statut qu'une personne a dans l'administration d'un pays. Ça, c'est pourtant quelque chose que les neurones qu'Allah lui a donné lui permettraient de faire normalement, mais ils n'y arrivent pas. Beaucoup n'y arrivent pas. Pour eux, dès qu'il y a élévation dans le statut administratif, mufti de tel pays, ou bien appartenant au conseil permanent, conseil de la fatwa ou autre, pour lui, il y a obligatoirement donc une relation intime entre ce poste et le fait que la personne soit une personne de confiance, une personne qui proclame la vérité, une personne qui n'a pas peur de la critique de quiconque lorsqu'il faut proclamer la vérité. Or, Au contraire, l'histoire montre et les paroles des salafs montrent que plus les gens sont rapprochés du gouverneur et plus ils sont à même de dire des choses qui vont à l'encontre du shara. Donc le sujet est important et bismillah et azwajal, on va lire quelques hadiths et certaines paroles de salafs à ce sujet-là, malgré le court temps qui nous est donné. Donc parmi les hadiths du prophète alayhi salat wa salam mettant en garde contre le fait de se rapprocher des gouverneurs, il y a ce premier hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa salam dit « Iyakum wa abwabu sultan fa innahu qad asbaha sa'ban habuta » Rawahu al-Tabarani wa al-Daylami wa al-Sahahu al-Albani rahmatullahi alayhi. Faites attention aux portes des gouverneurs. Faites attention aux portes du gouverneur. فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ صَعْبًا هَبُوتًا. Car c'est devenu quelque chose de difficile, هَبُوتَ, quelque chose qui fait descendre. Le hadith est rapporté par Al-Tabarani et Al-Daylami et il a été rendu authentique par Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, qui est, et il faut le dire, et c'est une hasana qu'a Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi parmi les savants se prétendant de la salafia contemporaine. C'est un des savants qui ne s'est pas pollué, sali, donc aux portes des gouverneurs. Il était loin des gouverneurs et c'est quelque chose que l'on qu'on garde en sa mémoire, rahmatullahi alayhi. Donc ce hadith-là, il met en garde contre les portes des gouverneurs, des sultans, car c'est quelque chose qui est devenu difficile et qui amène à la dégringolade, à la descente. L'imam al-Mannawi, rahmatullahi alayhi, dans son livre Faydul Qadir, il dit « Sa'ban ay shadidan » Donc c'est quelque chose de sab, c'est-à-dire shadid, de difficile, les portes des gouverneurs. Ou c'est quelque chose qui va faire descendre en degré la personne qui ne cesse d'être donc dans cet endroit-là. Fil dunya wal akhira, dans ce bas monde, ça va rabaisser la personne et dans l'autre monde. Et dans un autre lafd, habutan, au lieu de habutan, dans une autre version du hadith, certains ont dit que c'est habutan avec al-ha. C'est-à-dire yuhbitul amal, c'est quelque chose qui annule les œuvres. Car la personne, à force, elle risque d'arriver même à l'apostasie, qu'Allah nous préserve, et notamment en cette époque. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, wa innama kana kadhalik. Et ceci, donc, pour quelle raison ? لِأَنَّ مَنْ لَازَمَهَا لَمْ يَسْلَمْ مِنَ النِّفَاقِ. Car celui qui reste dans cette position, il ne sera pas garder d'être un jour dans l'hypocrisie, qu'Allah nous préserve. Et il n'obtiendra pas quelque chose de leur bas monde, donc de l'argent, une paye ou autre, sans que eux n'obtiennent de sa part ce qui est beaucoup plus cher que cela, c'est-à-dire sa religion. Et ceci est une grande fitna, c'est une grande tentation pour les ulamas. Et c'est une force, donc un moyen très difficile qu'a Shaytan contre eux. Il dit si yamamun lahu lahjatun maqboulatun wa kalamun adbun wa tafasuhun wa tashadduq. Il dit spécialement et par rapport à la personne qui a donc une manière de parler qui est acceptée auprès de la masse. Et c'est quelqu'un qui a des paroles douces, des paroles aussi qui sont fasiha, qui sont d'un très bon niveau, watashadduq, et qui a un très beau parler, un très bon oral. Et on remarque dans les derniers temps là que les gens qui étaient des lions du minbar, certains se sont fait acheter par les gouverneurs, notamment là pendant le printemps arabe, et ils ont dégringolé et la population ne peut même plus les écouter. Aujourd'hui, ils ont perdu toute confiance de la population envers eux, car ils sont rentrés dans des sujets desquels ils auraient dû s'éloigner. Il dit ensuite « إِذْ لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ يُلْقِي إِلَيْهِ أَنَّ فِي دُخُولِكَ لَهُمْ وَوَعْضِهِمْ مَا يَزْجُرُهُمْ عَنِ الظُّلْمِ وَيُقِيمُ الشَّرَى » Donc Shaitan, il ne cesse de dire à ce savant qui est rentré chez le gouverneur, car là-bas souvent c'est qu'il rentre, certains, avec une bonne intention, pour ordonner le bien et interdire le mal. Et ça c'est une position que les salafs louaient. Mais beaucoup préféraient la sécurité, car ils avaient peur pour eux-mêmes que même en entrant avec l'intention d'ordonner le bien, interdire le mal, qu'ensuite ils soient pris par la fitna et qu'ils dégringolent. Donc, Shaitan, il ne cesse de lui dire que dans ton entrée, tu vas donc leur faire la morale et tu vas les réprimander. Et ça va établir la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ إِذَا دَخَلَ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ يُدَاهِنَ وَيُطَرِي وَيُنَافِقْ فَيَهْلِكَ وَيَهْلَكَ. فَيَهْلَكَ وَيُهْلِكَ. Donc, ensuite, lorsqu'il entre, il cesse de faire des concessions, hein, et de leur faire aussi des éloges, et après de faire preuve d'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il soit perdu, et qu'il perde autrui. Si seulement il était perdu tout seul, ce serait grave pour lui, mais le problème, c'est que quand le savant est perdu, il en perd beaucoup. Comme on dit certains, إِذَا زَلَّ الْعَالِمُ زَلَّ بِزَلَّتِهِ عَالَمُونَ. Lorsque le savant se trompe, tout un monde se trompe avec lui. Et parmi les hadiths encore, celui du prophète alayhi salat wa salam, من أتى أبواب السلطان فتوتين. Celui qui va à la porte du gouverneur sera فتوتين, il sera dans une tentation. Rapporté par Ahmed et Sheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, l'a authentifié. Al-Mubarak Fouri dit dans son explication de Sunan al-Tirmidhi qui s'appelle Tuhfatul Ahwadi, فتوتين بصيغه المجهول. C'est un participe passé. Il sera tenté, il sera dans la fitna. أي وقع في الفتنة, c'est-à-dire qu'il tombera dans la fitna. فإنه إن وافقه فيما يأتيه ويضره فقد خطر على دينه. Si jamais il vient au gouverneur, hein, et qu'il est en accord avec ce qu'il trouve auprès du gouverneur, et qu'il commence à lui faire des éloges, ou bien يضره, ça peut être aussi il le laisse dans le cas comme il est, c'est-à-dire sans lui interdire le mal, فقد خطر على دينه. Il a mis en danger sa religion. Il a mis en danger sa religion en délaissant quelque chose d'obligatoire qui était interdire le mal. وَإِنْ خَالَفَهُ فَقَدْ خَاطَرَ عَلَى الدُّنْيَا. Et si jamais il va à l'encontre de ce gouverneur, il a mis en danger quoi? Son dunya, son bas monde. Car à ce moment, il va lui dire, allez, on t'enlève du conseil, ou on te met en prison, ou bien ça peut aller jusqu'à l'exécuter. Al-Mannawi a dit, rahmatullah alayhi. وذلك, c'est-à-dire le sens de ce hadith-là, وذلك لأن الداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تنعمهم فيزدري نعمة الله عليه. Car celui qui entre sur le gouverneur, donc chez le gouverneur, et il va voir ce qu'ils ont, donc comme largesse, comme bienfait de ce bas monde, d'argent, etc. فيزدري نعمة الله عليه. Il va ensuite lui sous-estimer le bienfait que lui il a, que le bienfait qu'Allah lui a donné, le Coran, la Sunna, le ilm. أو يهمل الإنكار عليهم مع وجوبه فيفسق. Ou bien il va délaisser donc la condamnation du blâmable dans lequel ils sont et il va devenir pervers à ce moment-là. Et Al-Mubarak Fouri rahmatullah alayhi a aussi dit à propos de ces hadiths, c'est-à-dire celui qui rentre chez le sultan et qui fait des concessions, il tombe dans la fitna, mais quant à celui qui ne fait pas de concessions et qui le conseille, qui lui ordonne le bien et lui interdit le mal, alors son entrée chez le gouverneur fait partie donc du meilleur des jihads. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, les gens, ça fait 30 ans qu'ils sont toujours dans le conseil privé de la fatwa, etc. Ils n'ont aucune fatwa depuis leur mise en position allant à l'encontre des aspirations du gouverneur. Et le jour où ils en ont émis une, alors ils ont été au mieux, ça c'est au mieux, c'est, ils ont été enlevés de leur poste. Parmi les athar aussi des salafs, rahmatullah alayhim, ce qu'a rapporté Al-Bukhari dans son recueil d'histoire et Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, Ali radiallahu anhu a dit ittaqu abwab as-sultan, craignez la porte des gouverneurs. Et aussi Ma'mar a rapporté dans son Jami' al-Khattabi, dans son livre Al-Uzla et Al-Bayhaqi, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit inna ala abwab as-sultan fitanan kamabarik al-ibil la tusibu min dunyahum shay'a illa asabu min dinikum mithla. Il y a aux portes des sultans, des gouverneurs, des fitna, des tentations comme au nombre donc des étables dans lesquelles dorment les chameaux. Vous n'obtiendrez rien de leur bas monde sans qu'ils obtiennent autant de votre religion. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, et cette parole est rapportée par Ad-Darimi, يَهْدِمُ الْإِسْلَامُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ. Trois choses détruisent l'islam. Trois choses détruisent l'islam. L'erreur du savant. Quand il fait une erreur, les gens le suivent. Et souvent, quand on dit cette chose-là, ben c'est haram ou bien c'est une bid'a ou autre, il te dit oui, mais tel savant a dit que c'était permis. Wajidal al-munafiqi bil kitab. Et la polémique donc de l'hypocrite avec le livre d'Allah. Lorsque l'hypocrite il vient avec des délils du Coran et qu'il essaie de justifier le faux, ça détruit l'islam aussi. Wa hukmul a'immatil mudillin. Et les décisions, les jugements émis par les savants égareurs. Qu'Allah nous préserve. Et ça, c'est une des grandes fitna de cette époque, et notamment de ces dernières années. Qu'Allah fasse taire ce type de personnes. Abu Nu'aym rapporte dans son livre Hilyatul Al-Awliya, avec sa chaîne de transmission, son nom Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq, c'était un très grand savant et ça a même été l'un des gouverneurs de l'islam. Et l'imam Malik était d'ailleurs proche de Ja'far al-Sadiq. Mais Ja'far al-Sadiq, wa ma adaraka ma Ja'far. C'était un des grands pieux de cette communauté, rahmatullahi alayhi, et un des grands savants, rahmatullah. D'ailleurs, quand l'imam Malik a écrit al-Muwatta, il a proposé à l'imam Malik d'accrocher al-Muwatta à la Kaaba et d'envoyer les armées donc du califat pour plier toute la communauté aux injonctions de al-Muwatta, qui était un recueil de hadith, chose qu'a refusé l'imam Malik, car il savait très bien qu'il ne réunissait pas toute la sunna dans son livre al-Muwatta. Or aujourd'hui, les armées sont envoyées pour plier les gens à la démocratie et aux droits de l'homme, des mécréants, etc. Il a dit Ja'far al-Sadiq, al-fuqaha umana al-rusul. Les fuqaha, les jurisconsultes, donc sont porteurs du dépôt des prophètes. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْفُقَهَا قَدَ رَكَنُوا إِلَى السَّلَاطِينَ فَاتَّهِمُوهُمْ. Si jamais vous voyez les jurisconsultes, c'est-à-dire les savants, avoir un penchant vers les gouverneurs, alors accusez-les. Et Al-Mizzi l'a rapporté dans son livre Tahdhib al-Kamal et Al-Dhahabi dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, dans la biographie de l'imam Ja'far rahmatullah alayh. On va rapporter quelques paroles de l'imam Ahmed, elles sont importantes, notamment parce que dans la tête de certains, le dernier sanctuaire, ces paroles sont acceptables pour tous les pays. Le dernier sanctuaire, c'est l'Arabie Saoudite, surtout chez les frères qui chantonnent, qui sont salafis nuit et jour. Or, ce pays-là utilise la même technique que les autres, sauf qu'ils sont victimes de l'héritage qu'ils ont de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ils ne peuvent pas pondre une démocratie et une laïcité de manière aussi directe que l'on fait sort d'autres gouvernements. Donc ils vont utiliser des savants s'apparentant à la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et faire dévier doucement les enseignements de ce cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc ils vont faire dévier par exemple les fondements dans le takfir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Comment? Pas en accusant Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de takfiri, de khariji, comme l'ont fait les soufis de l'époque. Par exemple, ceux qui défendaient le califat ottoman, qui n'était déjà plus un califat à l'époque de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, c'était des mouchérikouns qui adoraient les tombes et qui prônaient cela et disaient que c'était permis, etc. Ils accusaient Cheikh Mohammed Abdel Wahhab car étant un membre extérieur donc de leur califat et de leur aqida, etc., ils accusaient tout de suite de khariji, de takfiri et tout ça. Ils disaient qu'ils accusent d'apostats les musulmans, tout ça. Mais aujourd'hui, puisque Cheikh Mohammed Abdel Wahhab est d'ailleurs le fondateur avec la famille Al Saoud de ce royaume, ils ne peuvent pas arriver et le dénigrer. Donc on va toujours enseigner ces paroles-là, mais en les faisant dévier. Donc on va trouver ce type d'enseignement. On va enseigner Al-Usul al-Thalatha d'une manière déformée, Kashf al-Shubuhat d'une manière déformée, etc. Et c'est pareil pour des pays qui ont un héritage malikite. On va apporter des paroles de Maliki Ash'ari, qui sont donc des murji'a dans la Aqida, et on ne va pas, par exemple, prôner les textes comme la Aqida d'Ibn Abi Zayd al-Qarawani, qui est une Aqida salafie à 100%. On va la mettre de côté, celle-là, parce qu'elle ne travaille pas les intérêts des gouverneurs. Et pareil pour les chefs, et pareil pour les hanafis, etc. Après, on a même maintenant la nouveauté de rapprocher des pseudo-musulmans de France pour pouvoir travailler la laïcisation des musulmans de France ou bien d'autres pays, comme c'est le cas du CFCM par exemple. Donc l'imam Ahmed, ses paroles sont importantes parce que certains aujourd'hui états et certains systèmes s'apparentent à l'imam Ahmed ibn Hanbal et se disent d'imam Hanbali, et même certains savants qui sont très proches des gouverneurs et qui ne gardent pas le silence, car garder le silence quand une partie a dit la vérité, ça peut être une pédagogie à employer. Mais le problème, c'est quand tout le monde se tait. Et le pire, c'est quand ceux qui disent le faux nous chantonnent après qu'ils font partie de l'école Hanbalite, c'est des adeptes de Mohammed ibn Abdul Wahhab, de l'imam Ahmed. Donc on va voir ce que dit l'imam Ahmed ibn Hanbal concernant les gouverneurs de son époque. Et ils étaient bien mieux que ceux d'aujourd'hui. Ils appliquaient la charia à 100%, mais ils avaient certaines bidaires. Qu'Allah nous préserve. Ahmed ibn Saïd al-Ribati. Donc lui, c'est quelqu'un duquel rapporte des hadiths al-Bukhari et Muslim. Donc c'est une thiqa, c'est un des grands imams du hadith. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qadimtu ala Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayh faja'ala la yarfa'u ra'sahu ilayh. Il dit je suis venu auprès d'Ahmad ibn Hanbal, je l'ai visité et il ne levait pas la tête vers moi. Ne levait pas la tête vers moi. فقلت يا أبا عبد الله إنه يكتب عني بخراسان وإن عاملتني بهذه المعاملة رموا بحديثي. Il a dit oh Abu Abdillah, oh Ahmed ibn Hanbal, les gens à Khorasan, ils écrivent mes hadiths à moi. Je rapporte des hadiths selon toi, et toi tu rapportes selon d'autres, qui rapportent selon les compagnons, selon le prophète alayhi salatu wasalam. Si tu te comportes comme ça avec moi, c'est-à-dire quand j'entre auprès de toi, tu ne lèves pas la tête vers moi, les gens vont jeter mes hadiths, parce qu'ils vont dire que tu m'affaiblis, sous-entendant. Je ne suis pas quelqu'un de confiance. Faqal Ali, l'imam Ahmed lui a répondu. Donc là, il répond à un grand pieux là. Hein, parce que souvent, quand on apporte certains discours, « Ouais, mais Shir Foulen, hein, il était proche des gouverneurs. Ben, » regarde l'imam Ahmed, il a dit ça au sujet d'une personne où il n'y a même pas débat qu'il est bien meilleur que tous les savants de notre époque aujourd'hui, sans aucune exception possible. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « Oh Ahmed !» Pas Ahmed ibn Hanbal, hein, mais Ahmed ibn Sa'id al-Ribati. L'imam Ahmed a dit à l'autre Ahmed ibn Sa'id, « Oh Ahmed, hal buddun yawm al-qiyamati bi an, min an yuqal, ayna abdullah ibn Tahir wa atba'u. » Oh Ahmed, yawm al-qiyama, le jour du jugement, obligatoirement, ceci va être dit. Où est Abdullah ibn Tahir, qui était un des gouverneurs, un des responsables à cette époque-là, wa atba'u, et ceux qui l'ont suivi. Où sont Abdullah ibn Tahir et ceux qui l'ont suivi? Donc regarde, tu seras où toi par rapport à lui yawm al-qiyama, quand on va l'appeler et ses poursuivants, il y aura qui avec lui? L'armée, etc. Et surtout les savants qui permettaient de renforcer son pouvoir. Qala qultu ya Aba Abdillah innama wallani amra al-ribat. Il a dit oh Aba Abdillah, il m'a simplement donné donc la gouvernance sur al-ribat, c'est-à-dire je fais pas tout quoi. C'est pour ça que je suis rentré donc à Ar-Ribat et dans cette gouvernance là. Et l'imam Ahmed ne cessait de répéter ya Ahmed, oh Ahmed, hal buddun yawm al-qiyamati min an yuqal ayna Abdullah ibn Tahir wa atba'u. Obligatoirement yawm al-qiyama on dira où est Abdullah ibn Tahir et ceux qui l'ont suivi. Fanzur ayna takunu min. Donc regarde où est-ce que tu te trouves par rapport à lui. Saïd ibn Ya'qub, il dit que Ahmed ibn Hanbal lui a écrit les paroles suivantes. Bismillahir Rahmanir Rahim. Min Ahmed ibn Muhammad ila Saïd ibn Ya'qub amma ba'd. Donc ceci est une parole de Ahmed ibn Muhammad, donc ibn Hanbal à Saïd ibn Ya'qub amma ba'd. Ensuite, fa inna ad-dunya da' was-sultanu da' wal-'alimu tabib fa idha ra'aita tabiban yajurru ad-da' ila nafsihi fahdharhu tabaqatu al-hanabila. Il a dit donc sa parole, ce bas monde est un poison, ce bas monde est un mal, ce bas monde est un poison, et la gouvernance est un poison, et le savant est un docteur. Si tu vois le docteur amener vers lui le poison, donc fais attention à lui. Salih ibn Ahmed a dit, rahmatullah alayhi, قلت لأبي, j'ai dit à mon père, أيما أثبت عندك وكيع أو يزيد, qui est le meilleur pour toi, c'est-à-dire en hifd, par rapport au rapport du hadith, quel est le athbet pour toi, celui qui est le plus donc de confiance? C'est Waqi' ibn al-Jarrah ou bien Yazid? Qala ma minhumma bihamdillah illa thabatun. Il a dit par la louange à Allah, les deux pour nous sont des gens de confiance qui ont une bonne mémorisation du hadith, etc. Ensuite il a dit fa ayyuhuma aslah, et quel est le plus pieux? Qala ma minhumma illa salih, les deux pour nous sont pieux. Illa anna waqi'an lam yatalattakh bi sultan, sauf que Waqi' ne s'est pas sali avec le gouverneur. Rapporté dans Tahdhib at-Tahdhib. Qala Ahmed ibn Daoud Abu Sa'id al-Wasiti. Donc Ahmed ibn Daoud Abu Sa'id al-Wasiti a dit dakhaltu ala Ahmed fi al-habs qabla ad-darb fa qultu lahu fi ba'd kalami. Il dit je suis rentré auprès d'Ahmed donc en prison avant qu'il ne se fasse fouetter, car il s'est fait fouetter lui-même Ahmed pour les positions qu'il avait, notamment par rapport au fait qu'il n'a pas suivi le gouverneur dans sa parole selon laquelle le Coran est créé. Le Coran est la parole d'Allah, elle n'est pas créée. L'imam Ahmed rahmatullah alayh a été ferme là-dessus, au point où il a été fouetté. Il lui a dit des paroles. Donc celui-là, Abu Sa'id al-Wasiti, Ahmed ibn Daoud Abu Sa'id al-Wasiti, lui a dit « Ya Aba Abdillah, alayka ayyal, walaka sibyan, oh Aba Abdillah, oh Ahmed ibn Hanbal, tu as une famille et tu as des enfants. » Ça, c'est encore le fameux argument contemporain. Tu as une famille, Tu as des enfants. Tu es excusé. En gros, pourquoi est-ce que tu fais tout cela? Tu vas être fouetté en prison, tu peux même être tué. Alors que tu es excusé, tu as une famille, il faut que tu t'en occupes. Si tu vas en prison, comment ils vont faire, ils vont finir orphelins, etc. وَأَنْتَ مَعْذُورُ كَأَنِّي أُسَهِّلُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةِ. C'est comme si je cherchais à lui faciliter la réponse. فَقَالَ لِي أَحْمَدْ بْنُ حَنْبَلْ. Ahmed lui a répondu. إِنْ كَانَ هَذَا عَقْلُكَ يَا أَبَا سَعِيدْ فَقَدْ إِسْتَرَحْتْ. Oh, si jamais c'est ça ta raison, ton niveau d'intelligence, alors tu es reposé. Allah alam, sous-entendu, t'es devenu fou et t'es plus mukallaf. Tu peux arrêter la prière, le jeûne, tout, parce qu'en vérité t'es un fou. Et le prophète A.S. a dit que la plume ne fonctionne pas pour toi, il a cité parmi eux le fou. Cheikh Ahmed Shakir, rahmatullah alayhi, il a une parole qui est importante concernant le silence des savants face au munkar. Car certains te disent, ouais mais ils ont peur qu'il y ait de la fitna, alors ils gardent le silence et ils connaissent la maslaha, la mafsada, alors que vous les jeunes effarouchés qui connaissent rien, vous proclamez tout ce que vous avez en tête comme vérité, quitte à aller dans la catastrophe. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui disent beaucoup de choses qu'il ne faut pas dire. Et l'amr bil ma'ruf et nahyu anil munkar, il répond à des règles. Mais le silence de tous les savants sur un munkar, ça ce n'est pas permis, comme on va le voir. Ahmed Shakir dit, rahmatullah alayhi. Il reste combien de temps pour l'Eden? Il est à quelle heure? Il dit, At-taqiyatu innama tajouz lil mustad'afin alladhina yakhshawna an la yathbutu ala al-haqq. L'imam Ahmed Shakir, rahmatullah alayhi, et ça c'est un imam connu parmi les contemporains pour son sad'a bil-haqq. Il proclamait la vérité, n'en déplaise à quiconque. Il dit que Taqiyya, c'est-à-dire dire le faux, hein, ou bien même se taire, il dit ça, ce n'est permis que pour ceux qui sont en état de faiblesse et qui craignent qu'ils ne vont pas être fermes sur la vérité. Ça, c'est important. Et ceux qui ne sont pas aussi un modèle pour les gens. Cela, il leur est permis de prendre la dérogation. Ils ont peur d'une longue peine de prison, de se faire tuer ou autre, cela leur est permis de prendre la dérogation. Mais quant à ceux qui ont des grandes positions et qui sont donc les détenteurs, ils sont la locomotive de la Umma parmi les grands imams, al-hudat, les bien guidés, ils doivent prendre eux al-azima, qui est donc plus que la rohsa c'est la dérogation, et la azima c'est à l'encontre de ça, à 180 degrés de cela, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien du prophète alayhi salatu wasalam. Et ils doivent donc supporter le mal et être fermes sur le sentier d'Allah par rapport à ce qu'ils vont obtenir, ce qu'ils vont subir comme mal. Et si jamais ils prennent la taqiyya, la protection, et qu'ils prennent la dérogation, les gens vont être égarés derrière eux, car ils vont les prendre comme modèle et ils ne savent pas qu'ils sont en train de prendre la taqiyya, de dire des choses fausses pour se protéger. Allah Akbar, Allah Akbar. Donc on poursuit les paroles de Cheikh Ahmed Shakir rahmatullah alayh, qui dit, donc il n'est pas permis à ces savants-là de prendre la dérogation, du moins tous, c'est pas permis ça, que tous prennent la dérogation, comme il n'était pas permis aux compagnons de tous prendre la dérogation face aux menaces des mouchérikines à Quraysh. Ce qu'a fait Ammar ibn Yasir, c'était valable lorsque c'est certains qui le font. Mais tous les musulmans de la Mecque, face aux menaces et face aux châtiments subis par les koufars de Quraysh, disent par exemple, insultent le prophète A.S.A.W. ou disent du shirk, du koufr avec leur bouche, ça ce n'est pas permis. Il faut obligatoirement qu'il y ait un groupe qui toujours porte la vérité. Il dit donc qu'il n'est pas permis à ces savants-là de prendre cette dérogation-là, car sinon les gens vont être égarés, car ils les prennent comme modèle et ils ne savent pas qu'ils sont en train de prendre la taqiyya, c'est-à-dire de dire quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur cœur. Et les musulmans, donc ils ont subi ce qu'ils ont subi en raison de la faiblesse de leurs savants dans les moments de vérité. Et ça, c'est vraiment une parole en or qui est vraiment réelle aujourd'hui. Qu'Allah permette aux savants de dire le haqq. Walillahi alhamd, il y en reste encore. La yasda'una bima yu'marun. Ils ne proclament pas ce dont ils ont reçu l'ordre. Yujamiluna fi dinihim. Ils font des concessions dans leur religion. Wa fil haqq, et dans la vérité. La yujamiluna al-muluk wal-hukam faqat. Ils ne font pas des concessions seulement avec les rois et les gouverneurs. Bal yujamiluna kulla man talabu minhu naf'an aw khafu minhu darra. Mais ils font même des concessions avec toute personne dont ils espèrent avoir un bien ou bien desquelles ils ont peur du mal. Fil haqir wal jalil, dans les petites choses et les grandes choses. Min amri dunya, dans les petites choses et les grandes choses de ce bas monde. Al-Hassan ibn Arafa, rahmatullah alayhi, dit: Dakhaltu ala Ahmad ibn Hanbal, ba'd al-mihna. Je suis rentré donc auprès de Ahmad ibn Hanbal après la mihna. La mihna, c'est les savants de la sunna qui avaient subi donc beaucoup d'épreuves, et surtout l'imam Ahmad rahmatullah alayhi, par rapport à, au fait de ne pas dire que le Coran est créé. Faqultu la, je lui ai dit: Ya Aba Abdillah, oh Aba Abdillah, qumta maqam al-anbiya, tu as franchement eu la position des prophètes alayhim as-salatu wa salam. Faqala li, il m'a dit: uskut, tais-toi, fa inni ra'aytu an-nasa yabi'una adyanahum, tais-toi car j'ai vu les gens vendre leur religion. Ça, c'est l'époque d'Ahmad ibn Hanbal. Le ilm est propagé, on est proche de l'époque du prophète alayhi as-salam, et les gens en 2014 pensent que il n'est pas possible que quelqu'un ait un certain statut auprès de l'État et qu'il puisse dire n'importe quoi, surtout aujourd'hui vu l'adhésion de ces gouvernements à la marche mondiale imposée par les mécréants. Il a dit: tais-toi, j'ai vu les gens vendre leur religion. Et j'ai vu les savants qui étaient avec moi dire et pencher. Donc ils ont changé de position. Je me suis dit: qui je suis et qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je dirai à Allah demain lorsque je serai debout devant lui? Et Allah subhanahu wa ta'ala me dira, faqala li, Allah me dira à ce moment-là: bi'ta dinak kama ba'ahu ghayruk, tu as vendu ta religion comme les autres l'ont vendu. L'imam Ahmad ibn Hanbal a dit: fa fakartu fi amri, j'ai réfléchi à ma situation. Wa nadartu ila as-sayf wa as-sawt, et j'ai regardé l'épée et le fouet du gouverneur. J'ai regardé le fouet et l'épée du gouverneur, fakhtartuhuma, je les ai alors choisis. Il a préféré le fouet et l'épée plutôt que dire n'importe quoi et égarer la umma. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك